On va parler de cyclistes, notre ami Victor Véraud de Saint-Félicien, déjà en camp d'entraînement pour la prochaine saison. Donc, on parle avec lui. Il se trouve en Colombie-Britannique. Salut, Victor. Bonjour. Victor, ça fait, je te suis sur, sur ton Facebook. Ça fait à peu près 2 semaines que tu es là-bas, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Là, je pense que c'est à partir d'aujourd'hui même là, que je finis ma deuxième semaine. Donc, je suis pas mal bon de te suivre déjà, de faire des dates. Victor, 2 semaines, dis-moi, ça aide beaucoup. J'imagine que ça aide beaucoup, hein. Tu es en altitude en Colombie-Britannique, il y a des montagnes en masse, ça doit aider pour le cardio, ça. Il y a des montagnes en masse, mais où est-ce que je me trouve, on n'est pas vraiment en altitude. On n'est pas, tu sais, on fait de l'ascension beaucoup, c'est surtout ça qu'on recherche, là. Mais on est ici pour faire beaucoup d'heures. C'est la température, dans le fond, on est ici pour permettre de faire plusieurs heures puis d'être concentré à 100% sur le vélo, que ce que je peux pas faire chez nous avec la température de un, puis de deux, ben, toutes mes autres occupations qui entoureraient ça aussi, là. Fait qu'ici, je peux me permettre de me concentrer complètement sur mon entraînement puis d'être plus productif, là. Puis justement, de rouler en plus de rouler des trails de vélo de montagne puis pratiquer notre technique. C'est quoi que tu pratiques? D'abord, est-ce que tu es tout seul là-bas ou tu fais partie d'un groupe et tu es entraîné par Cyclisme Canada, j'imagine aussi? OK, ben là, présentement, comme on est ici, là, on est quatre gars qui se sont arrangés par nous-mêmes avec nos coachs, puis on a nos plans d'entraînement de nos coachs. On a quatre coachs différents. Puis on réussit à arranger ça là, avec. T'sais, on se parle un peu entre nous autres, on s'arrange un peu avec nos coachs, fait qu'on essaie de planifier notre semaine d'avance pour pouvoir qu'on s'entraîne ensemble le plus possible. Puis dans le fond, c'est juste loin de maison, puis on est ici par nos propres moyens. Là. Ok. Évidemment, ça prend beaucoup de choses. Dis-moi si on parlait un peu de il va-tu avoir une compétition là-bas? Tu vas-tu faire une compétition de t'en venir? Présentement, non, il n'y a pas de compétition encore. D'habitude, une compétition où ce qu'on se trouve ici, là, à Victoria, aux alentours de fin mars. Mais là, cette année, je ne peux pas te dire encore là, si c'est vraiment le cas. Mais ici, dans le fond, il n'y aura pas de compétition. On est ici vraiment juste pour l'entraînement. Puis moi, je retourne chez nous le 3 mars. Ok, donc ça fait quand même un certain temps. C'est quoi tes objectifs pour 2021? C'est sûr que ça doit être dur encore d'avoir des objectifs quand tu sais même pas ce que tu t'en vas. C'est ça le maudit problème. Ouais, exact. C'est ça le maudit problème, comme tu dis. Mais tu sais, j'essaie de me faire des objectifs comme s'il y avait quelque chose. Puis s'il n'y aura pas, ben là, on les changera puis on essaiera de trouver d'autres choses. J'aimerais ça faire un top 3 au championnat canadien puis être pas mal dans le top 3 là, sur toutes les Coupes Canada. Participer à plusieurs Coupes du Monde, ça serait ce que j'aimerais aussi. Donc, Puis participer au championnat du monde là, à la fin de l'année. est-ce que l'Union cycliste internationale a dévoilé son calendrier pour 2021? Ils ont dévoilé un calendrier. Je pense qu'il y a déjà deux courses qui ont été annulées, par contre. Ça va bien? Fait que là, déjà là, ça commence mal. Puis là, je pense qu'ils ont même annulé, là, présentement, là, il y a une période qui a été annulée pour récolter des points. Fait que je pense qu'il y a un mois, là, qui a été comme été suspendu, vu que tous les pays sont comme. Parce que, tu sais, ça, c'est beau jouer sur un pays, mais eux autres, faut comme qu'ils réussissent à égaliser, là. Puis, tu sais, mettons que la France, eux autres, sont aucunement Touché. pour. Tout est ouvert là-bas, puis qui ont des gousses, puis qui ramassent des points, puis que les athlètes, admettons, canadiens, ben, on est tous barrés chez nous, puis on peut rien faire, puis il n'y a pas de compétition. Ben, c'est pas égal au niveau mondial que les Français, exemple, eux autres fassent des points, puis que nous autres, on ne peut pas en faire. Fait que ça, c'est important. Victor, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va te suivre de très très près en Colombie-Britannique, puis au plaisir de se parler. Bon, ben, merci beaucoup. Le cycliste de Saint-Félicien, Victor.